blanche que portait nos grands-mamans pour danser le dimanche quand elles avaient 20 ans. On était pour des fillettes au printemps une fois l'an. Les coiffes si coquettes que portaient nos grands-mamans. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Écoute bien la ritournelle du pays de Chomel, que chante sous notre soleil, les oiseaux sont dans le réveil. Tu es bien la plus belle parmi toutes les chansons. C'est toi qui nous rappelle la bruyère et les buissons. Viens voir du haut de la montagne, caché dans la vallée, bien à l'abri de son clocher, le beau pays où je suis né. J'ai trouvé ma compagne, redonnant cette chanson. Veux-tu que j'accompagne le refrain à l'unisson? Le printemps vient de nous sourire, les amoureux s'en vont pour chanter le doux souvenir qui rappellera nos 20 ans. C'est notre ritournelle de nos plus jeunes années, qu'ils chantaient à Chomel tout près de leur cheminée. Et voilà, ça c'est ce que l'on appelle du bon musette. Vous voulez danser? Vous avez envie de danser? Poussez la table, les chaises et abandonnez-vous à votre plaisir. En écoutant Sorgia FM, bien sûr, sur le 91 et sur le 102.5, la radio la plus proche de chez vous, votre radio locale. Thank you. assaut cet joyeux luron d'Auvergne. Quelle agilité et puis quel brio. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu un tel numéro. Quel musicien, roi du passo. Emilio, tu vas charmer l'Espagne. Reste brillant, lui a dit si tôt tu es un champion. Je vous donne des millions pour jouer le passo. Olé. C'est un joyeux luron d'Auvergne. Quelle agilité et puis quel brio. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu un tel numéro. Ah, quel musicien, roi du passo. Emilio, tu vas charmer l'Espagne. Un impresario lui dit aussitôt, vous êtes un champion. Je vous donne des millions pour jouer le passo. Olé. Contente de rien, notre petit Corésien. Et comme un vrai gavroche, les deux mains dans les poches, il dit bonjour gentiment aux amoureux en passant. Il papote, il sifflote dès le matin, cheveux au vent, plein de verre, il réserve à tous un petit monument. Un tillard Corésien, et pour nous c'est certain, la beauté, le charme et l'esprit, tout comme un gamin varien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends cette musique, ça me rappelle de bons souvenirs. Pas vous ? doute chemin tout entier est en fait. Chacun se prête pour le bal d'âme. Jean Sigurel offre un public innombrable, une admirable page de sport. Dès le matin, la foule afflue et le village change de visage. C'est le bol d'or, voir pédaler tous les grands as qui s'y engagent. Avouez vraiment, cela vaut le déplacement. Bol d'or des monnaies d'hier qui groupe tous les champions qui roulent devant la foule sous un tonnerre d'acclamations. Seuls les grands ont gagné la gloire d'une victoire. Ici n'est pas à dédaigner. Pour des raisons techniques, vos dédicaces doivent impérativement nous parvenir au plus tard le jeudi avant 10h pour une diffusion le dimanche suivant. Merci de votre compréhension. feuilles qui tombent forment un tapis d'or. Et nos gyrus qui sonnent avertit tout le monde de la chute du jour. Allez bien, mon automne, plongez dans le silence, la forêt qui s'endort. C'est son roi qui lui donne un instant de détente chaque fois quand il sort. Et notre grand serviné se montre dans l'allée qu'il est pour le décor. Mais le chasseur usé s'approche sans pitié dans un élan de mort. Et la leste maudite, il place son fusil sur un tronc d'arbre mort. Une flamme jaillit, cette fois c'est fini, notre lanceur est mort. Bon, ça c'est fait. Passons à autre chose, mais restons à l'écoute de votre radio locale, la seule à vous accompagner avec vos souvenirs. Sorgia FM.

ici, demain là-bas. La curiosité nous entraîne vers une France qu'on ne connaît pas. La la la la. Aime. Eh oui, et c'est pourquoi nous vous apportons ces moments de bonheur. Enfin, nous l'espérons.

temps passe vite. Eh bien voilà, c'est déjà fini.